Or, quand le pianiste eut joué, Swann fut plus aimable encore avec lui qu'avec les autres personnes qui se trouvaient là. Voici pourquoi. L'année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait déjà été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne du violon, mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever, en un clapotement liquide, la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l'harmonie, il ne savait lui-même, qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de roses circulant dans l'air humide du soir ont la propriété de dilater nos narines. Peut-être est-ce parce qu'il ne savait pas la musique qu'il avait pu éprouver une impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut-être pourtant les seules purement musicales, inétendues, entièrement originales, irréductibles à tout autre ordre d'impression. Une impression de ce genre, pendant un instant, est pour ainsi dire cinématéria. Sans doute les notes que nous entendons alors tendent déjà, selon leur hauteur et leur quantité, à couvrir devant nos yeux des surfaces de dimensions variées, à tracer des arabesques, à nous donner des sensations de largeur, de ténuité, de stabilité, de caprice. Mais les notes sont évanouies avant que ces sensations soient assez formées en nous pour ne pas être submergées par celles qu'éveillent déjà les notes suivantes ou même simultanées. Et cette impression continuerait à envelopper de sa liquidité et de son fondu les motifs qui, par instant, en émergent, à peine discernables, pour plonger aussitôt et disparaître, connu seulement par le plaisir particulier qu'il donne, impossible à décrire, à se rappeler, à nommer, ineffable, si la mémoire, comme un ouvrier qui travaille à établir des fondations durables au milieu des flots, en fabriquant pour nous des facsimilés de ces phrases fugitives, ne nous permettait de les comparer à celles qui leur succèdent et de les différencier. Ainsi, à peine la sensation délicieuse que Swann avait ressentie était-elle expirée, que sa mémoire lui en avait fourni, séance tenante, une transcription sommaire et provisoire, mais sur laquelle il avait jeté les yeux, tandis que le morceau continuait, si bien que, quand la même impression était tout d'un coup revenue, elle n'était déjà plus insaisissable. Il s'en représentait l'étendue, les groupements symétriques, la graphie, la valeur expressive. Il avait devant lui cette chose qui n'est plus de la musique pure, qui est du dessin, de l'architecture, de la pensée, et qui permet de se rappeler la musique. Cette fois, il avait distingué nettement une phrase s'élevant pendant quelques instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposé aussitôt des voluptés particulières dont il n'avait jamais eu l'idée avant de l'entendre, dont il sentait que rien autre qu'elle ne pourrait les lui faire connaître, et il avait éprouvé pour elle comme un amour inconnu. D'un rythme lent, elle le dirigeait ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, inintelligible et précis. Et tout d'un coup, au point où elle était arrivée et d'où il se préparait à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement elle changeait de direction, et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l'entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une troisième fois. Et elle reparut en effet, mais sans lui parler plus clairement, en lui causant même une volupté moins profonde. Mais, rentré chez lui, il eut besoin d'elle. Il était comme un homme dans la vie de qui une passante qu'il a aperçue un moment vient de faire entrer l'image d'une beauté nouvelle qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus grande, sans qu'il sache seulement s'il pourra revoir jamais celle qu'il aime déjà et dont il ignore jusqu'au nom. Même cet amour pour une phrase musicale sembla un instant devoir amorcer chez Swann la possibilité d'une sorte de rajeunissement. Depuis si longtemps, il avait renoncé à appliquer sa vie à un but idéal et la bornait à la poursuite de satisfactions quotidiennes, qu'il croyait, sans jamais se le dire formellement, que cela ne changerait plus jusqu'à sa mort. Bien plus, ne se sentant plus d'idées élevées dans l'esprit, il avait cessé de croire à leur réalité, sans pouvoir non plus la nier tout à fait. Aussi avait-il pris l'habitude de se réfugier dans des pensées sans importance qui lui permettaient de laisser de côté le fond des choses. De même qu'il ne se demandait pas s'il n'eût pas mieux fait de ne pas aller dans le monde, mais en revanche savait avec certitude que, s'il avait accepté une invitation, il devait s'y rendre, et que, s'il ne faisait pas de visite après, il lui fallait laisser des cartes. De même, dans sa conversation, il s'efforçait de ne jamais exprimer avec cœur une opinion intime sur les choses, mais de fournir des détails matériels qui valaient en quelque sorte par eux-mêmes et lui permettaient de ne pas donner sa mesure. Il était extrêmement précis pour une recette de cuisine, pour la date de la naissance ou de la mort d'un peintre, pour la nomenclature de ses œuvres. Parfois, malgré tout, il se laissait aller à émettre un jugement sur une œuvre, sur une manière de comprendre la vie. Mais il donnait alors à ses paroles un ton ironique comme s'il n'adhérait pas tout entier à ce qu'il disait. Or, comme certains valétudinaires chez qui, tout d'un coup, un pays où ils sont arrivés, un régime différent, quelquefois une évolution organique spontanée et mystérieuse, semblent amener une telle régression de leur mal qu'ils commencent à envisager la possibilité inespérée de commencer sur le tard une vie toute différente, Swann trouvait en lui, dans le souvenir de la phrase qu'il avait entendue, dans certaines sonates qu'il s'était fait jouer pour voir s'il ne l'y découvrirait pas, la présence d'une de ces réalités invisibles auxquelles il avait cessé de croire et auxquelles, comme si la musique avait eu sur la sécheresse morale dont il souffrait une sorte d'influence élective, il se sentait de nouveau le désir et presque la force de consacrer sa vie. Mais, n'étant pas arrivé à savoir de qui était l'œuvre qu'il avait entendue, il n'avait pu se la procurer et avait fini par l'oublier. Il avait bien rencontré dans la semaine quelques personnes qui se trouvaient comme lui à cette soirée et les avait interrogés, mais plusieurs étaient arrivés après la musique ou partis avant. Certaines pourtant étaient là pendant qu'on l'exécutait, mais étaient allées causer dans un autre salon. Et d'autres, restées à écouter, n'avaient pas entendu plus que les premières. Quant au maître de maison, il savait que c'était une œuvre nouvelle que les artistes qu'ils avaient engagés avaient demandé à jouer. Ceci étant parti en tournée, Swann ne put en savoir davantage. Il avait bien des amis musiciens, mais, tout en se rappelant le plaisir spécial et intraduisible que lui avait fait la phrase, en voyant devant ses yeux les formes qu'elle dessinait, il était pourtant incapable de la leur chanter. Puis il cessa d'y penser. Or, quelques minutes à peine après que le petit pianiste avait commencé de jouer chez Madame Verdurin, tout d'un coup, après une note haute longuement tenue pendant deux mesures, Il vit approcher, s'échappant dessous cette sonorité prolongée et tendue comme un rideau sonore pour cacher le mystère de son incubation, il reconnut, secrète, bruissante et divisée, la phrase aérienne et odorante qu'il aimait. Et elle était si particulière, elle avait un charme si individuel et qu'aucun autre n'aurait pu remplacer, que ce fut pour Swann comme s'il eût rencontré dans un salon ami une personne qu'il avait admirée dans la rue et désespérait de jamais retrouver. À la fin, elle s'éloigna, indicatrice, diligente parmi les ramifications de son parfum, laissant sur le visage de Swann le reflet de son sourire. Mais maintenant, il pouvait demander le nom de son inconnue. On lui dit que c'était l'andante de la sonate pour piano et violon de Vinteuil. Il la tenait. Il pourrait l'avoir chez lui aussi souvent qu'il voudrait, essayer d'apprendre son langage et son secret. Aussi, quand le pianiste eut fini, Swann s'approcha-t-il de lui pour lui exprimer une reconnaissance dont la vivacité plut beaucoup à Madame Verdurin. « Quel charmeur, n'est-ce pas ? » dit-elle à Swann. « La comprend-il assez, sa sonate, le petit misérable ? Vous ne saviez pas que le piano pouvait atteindre à ça. C'est tout excepté du piano, ma parole. Chaque fois que j'y suis reprise, je crois entendre un orchestre. C'est même plus beau que l'orchestre, plus complet. » Le jeune pianiste s'inclina et, souriant, soulignant les mots comme s'il avait fait un trait d'esprit, « Vous êtes très indulgente pour moi, » dit-il. Et tandis que Madame Verdurin disait à son mari « Allons, donne-lui de l'orangeade, il l'a bien mérité. » Swann racontait à Odette comment il avait été amoureux de cette petite phrase. Quand Madame Verdurin, ayant dit d'un peu loin « Eh bien, il me semble qu'on est en train de vous dire de belles choses, Odette. » Elle répondit « Oui, de très belles. » Et Swann trouva délicieuse sa simplicité. Cependant, il demandait des renseignements sur Vinteuil, sur son œuvre, sur l'époque de sa vie où il avait composé cette sonate, sur ce qu'avait pu signifier pour lui la petite phrase. C'est cela surtout qu'il aurait voulu savoir. Mais tous ces gens qui faisaient profession d'admirer ce musicien, quand Swann avait dit que sa sonate était vraiment belle, Madame Verdurin s'était écriée « Je vous crois un peu qu'elle est belle, mais on n'avoue pas qu'on ne connaît pas la sonate de Vinteuil, on n'a pas le droit de ne pas la connaître. » Et le peintre avait ajouté « Ah, c'est tout à fait une très grande machine, n'est-ce pas ? Ce n'est pas, si vous voulez, la chose chère et publique, n'est-ce pas ? Mais c'est la très grosse impression pour les artistes. » Ces gens semblaient ne s'être jamais posé ces questions, car ils furent incapables d'y répondre. Même à une ou deux remarques particulières que fit Swann sur sa phrase préférée, « Tiens, c'est amusant, je n'avais pas fait attention. Je vous dirais que je n'aime pas beaucoup chercher la petite bête et m'égarer dans des pointes d'aiguille. » « On ne perd pas son temps à couper les cheveux en quatre ici, ce n'est pas le genre de la maison. » répondit Madame Verdurin, que le docteur Cottard regardait avec une admiration béate et un zèle studieux se jouer au milieu de ce flot d'expressions toutes faites. D'ailleurs, lui et Madame Cottard, avec une sorte de bon sens comme en ont aussi certaines gens du peuple, se gardait bien de donner une opinion ou de feindre l'admiration pour une musique qu'ils s'avouaient l'un à l'autre une fois rentrés chez eux, ne pas plus comprendre que la peinture de M. Biche. Comme le public ne connaît du charme, de la grâce, des formes de la nature, que ce qu'il en a puisé dans les poncifs d'un art lentement assimilé, et qu'un artiste original commence par rejeter ses poncifs, M. et Mme Cottard, image en cela du public, ne trouvait ni dans la sonate de Vinteuil, ni dans les portraits du peintre, ce qui faisait pour eux l'harmonie de la musique et la beauté de la peinture. Il leur semblait, quand le pianiste jouait la sonate, qu'il accrochait au hasard sur le piano des notes que ne reliaient pas en effet les formes auxquelles ils étaient habitués, et que le peintre jetait au hasard des couleurs sur ses toiles. Quand dans celle-ci il pouvait reconnaître une forme, il la trouvait alourdie et vulgarisée, c'est-à-dire dépourvue de l'élégance de l'école de peinture à travers laquelle il voyait dans la rue même les êtres vivants, et sans vérité, comme si M. Biche n'eût pas su comment était construite une épaule et que les femmes n'ont pas les cheveux mauves. Pourtant, les fidèles s'étant dispersés, le docteur sentit qu'il y avait là une occasion propice, et pendant que Mme Verdurin disait un dernier mot sur la sonate de Vinteuil, comme un nageur débutant qui se jette à l'eau pour apprendre, mais choisit un moment où il n'y a pas trop de monde pour le voir. « Alors, c'est ce qu'on appelle un musicien di primo cartello !» s'écria-t-il avec une brusque résolution. Swann apprit seulement que l'apparition récente de la sonate de Vinteuil avait produit une grande impression dans une école de tendance très avancée, mais était entièrement inconnue du grand public. « Je connais bien quelqu'un qui s'appelle Vinteuil, » dit Swann en pensant au professeur de piano des sœurs de ma grand-mère. « C'est peut-être lui ?» s'écria Madame Verdurin. « Oh non !» répondit Swann en riant. « Si vous l'aviez vu 2 minutes, vous ne vous poseriez pas la question. » « Alors, poser la question, c'est la résoudre ?» dit le docteur. « Mais ce pourrait être un parent ?» reprit Swann. « Cela serait assez triste, mais enfin un homme de génie peut être le cousin d'une vieille bête. Si cela était, j'avoue qu'il n'y a pas de supplice que je ne m'imposerais pour que la vieille bête me présentât à l'auteur de la sonate. D'abord, le supplice de fréquenter la vieille bête, et qui doit être affreux. » Le peintre savait que Vinteuil était à ce moment très malade et que le docteur Potin craignait de ne pouvoir le sauver. « Comment ? » s'écria Madame Verdurin. « Il y a encore des gens qui se font soigner par Potin. » « Ah, Madame Verdurin, » dit Cottard sur un ton de marivaudage, « vous oubliez que vous parlez d'un de mes confrères, je devrais dire un de mes maîtres. » Le peintre avait entendu dire que Vinteuil était menacé d'aliénation mentale, et il assurait qu'on pouvait s'en apercevoir à certains passages de la sonate. Swann ne trouva pas cette remarque absurde, mais elle le troubla, car une œuvre de musique pure ne contenant aucun des rapports logiques dont l'altération dans le langage dénonce la folie reconnue dans une sonate lui paraissait quelque chose d'aussi mystérieux que la folie d'une chienne, la folie d'un cheval qui pourtant s'observe en effet. « Laissez-moi donc tranquille avec vos maîtres, vous en savez 10 fois autant que lui !» répondit Madame Verdurin au docteur Cottard, du ton d'une personne qui a le courage de ses opinions et tient bravement tête à ceux qui ne sont pas du même avis qu'elle. « Vous ne tuez pas vos malades, vous, au moins !»« Mais madame, il est de l'académie ?» répliqua le docteur d'un ton ironique. « Si un malade préfère mourir de la main d'un des princes de la science, c'est beaucoup plus chic de pouvoir dire « c'est Potin qui me soigne !»« Ah, oh, c'est plus chic !» dit Madame Verdurin. « Alors, il y a du chic dans les maladies, maintenant. Je ne savais pas ça. Ce que vous m'amusez !» s'écria-t-elle tout à coup en plongeant sa figure dans ses mains. « Et moi, bonne bête, qui discutais sérieusement sans m'apercevoir que vous me faisiez monter à l'arbre !» Quant à M. Verdurin, trouvant que c'était un peu fatigant de se mettre à rire pour si peu, il se contenta de tirer une bouffée de sa pipe en songeant avec tristesse qu'il ne pouvait plus rattraper sa femme sur le terrain de l'amabilité. « Vous savez que votre ami nous plaît beaucoup ?» dit Madame Verdurin à Odette au moment où celle-ci lui souhaitait le bonsoir. « Il est simple, charmant. Si vous n'avez jamais à nous présenter que des amis comme cela, vous pouvez les amener. » M. Verdurin fit remarquer que pourtant Swann n'avait pas apprécié l'attente du pianiste. « Il s'est senti un peu dépaysé, cet homme !» répondit Madame Verdurin. « Tu ne voudrais pourtant pas que, la première fois, il ait déjà le ton de la maison, comme Cottard qui fait partie de notre petit clan depuis plusieurs années. La première fois ne compte pas. C'était utile pour prendre langue. Odette, il est convenu qu'il viendra nous retrouver demain au Châtelet. si vous alliez le prendre. Mais non, il ne veut pas. Oh, enfin, comme vous voudrez, pourvu qu'il n'aille pas lâcher au dernier moment. À la grande surprise de Madame Verdurin, il ne lâcha jamais. Il allait les rejoindre n'importe où, quelquefois dans les restaurants de banlieue où on allait peu encore, car ce n'était pas la saison, beaucoup plus souvent au théâtre, que Madame Verdurin aimait beaucoup. Et comme un jour, chez elle, elle dit devant lui que pour les soirs de première, de gala, un coupe-fil leur eût été fort utile, que cela les avait beaucoup gênés de ne pas en avoir le jour de l'enterrement de Gambetta, Swann, qui ne parlait jamais de ses relations brillantes, mais seulement de celles mal cotées qu'il eût jugé peu délicat de cacher, et au nombre desquelles il avait pris, dans le faubourg Saint-Germain, l'habitude de ranger les relations avec le monde officiel, répondit « Je vous promets de m'en occuper. Vous l'aurez à temps pour la reprise des Danichef. Je déjeune justement demain avec le préfet de police à l'Élysée. » « Comment ça, à l'Élysée ? » cria le docteur Cottard d'une voix tonnante. « Oui, chez Monsieur Grévy, » répondit Swann, un peu gêné de l'effet que sa phrase avait produit. Et le peintre dit au docteur en manière de plaisanterie « Ça vous prend souvent ?» Généralement, une fois l'explication donnée, Cottard disait « Ah, bon, bon, ça va bien !» et ne montrait plus trace d'émotion. Mais cette fois-ci, les derniers mots de Swann, au lieu de lui procurer l'apaisement habituel, portèrent au comble son étonnement qu'un homme avec qui il dînait, qui n'avait ni fonction officielle ni illustration d'aucune sorte, frayât avec le chef de l'État. « Comment ça, Monsieur Grévy ? Vous connaissez Monsieur Grévy ? » dit-il à Swann de l'air stupide et incrédule d'un municipal à qui un inconnu demande à voir le président de la République et qui, comprenant par ses mots à qui il a affaire, comme disent les journaux, assure au pauvre dément qu'il va être reçu à l'instant et le dirige sur l'infirmerie spéciale du dépôt. « Je le connais un peu, nous avons des amis communs. » Il n'osa pas dire que c'était le prince de Galles. Du reste, il invite très facilement, et je vous assure que ces déjeuners n'ont rien d'amusant. Ils sont d'ailleurs très simples, on n'est jamais plus de 8 à table, répondit Swann, qui tâchait d'effacer ce que semblait avoir de trop éclatant aux yeux de son interlocuteur des relations avec le président de la République. Aussitôt Cottard, s'en rapportant aux paroles de Swann, adopta cette opinion au sujet de la valeur d'une invitation chez M. Grévy, que c'était chose fort peu recherchée et qui courait les rues. Dès lors, il ne s'étonna plus que Swann, aussi bien qu'un autre, fréquentât l'Élysée, et même il le plaignait un peu d'aller à des déjeuners que l'invité avouait lui-même être ennuyeux. « Ah, bien, bien, ça va bien !» dit-il sur le ton d'un douanier méfiant tout à l'heure, mais qui, après vos explications, vous donne son visa et vous laisse passer sans ouvrir vos malles. Oh, je vous crois qu'ils ne doivent pas être amusants ces déjeuners. Vous avez de la vertu d'y aller, dit Madame Verdurin, à qui le président de la République apparaissait comme un ennuyeux particulièrement redoutable, parce qu'il disposait de moyens de séduction et de contraintes qui, employés à l'égard des fidèles, eussent été capables de les faire lâcher. « Il paraît qu'il est sourd comme un pot et qu'il mange avec ses doigts. »« En effet. »« Alors, ça ne doit pas beaucoup vous amuser d'y aller, » dit le docteur avec une nuance de commisération. Et, se rappelant le chiffre de 8 convives, « Sont-ce des déjeuners intimes ?» demanda-t-il vivement, avec un zèle de linguiste plus encore qu'une curiosité de badaud. Mais le prestige qu'avait à ses yeux le président de la République finit pourtant par triompher, et de l'humilité de Swann, et de la malveillance de Madame Verdurin. Et à chaque dîner, Cottard demandait avec intérêt « Verrons-nous ce soir Monsieur Swann ? Il a des relations personnelles avec Monsieur Grévy, c'est bien ce qu'on appelle un gentleman. » Il alla même jusqu'à lui offrir une carte d'invitation pour l'exposition dentaire. Vous serez admis avec les personnes qui seront avec vous, mais on ne laisse pas entrer les chiens. Vous comprenez, je vous dis cela parce que j'ai eu des amis qui ne le savaient pas et qui s'en sont mordus les doigts. » Quant à M. Verdurin, il remarqua le mauvais effet qu'avait produit sur sa femme cette découverte que Swann avait des amitiés puissantes dont il n'avait jamais parlé. Si l'on n'avait pas arrangé une partie au dehors, c'est chez les Verdurin que Swann retrouvait le petit noyau. Mais il ne venait que le soir et n'acceptait presque jamais à dîner, malgré les instances d'Odette. « Je pourrais même dîner seule avec vous, si vous aimez mieux cela, » lui disait-elle. « Et Madame Verdurin ?»« Oh, ce serait bien simple. Je n'aurais qu'à dire que ma robe n'a pas été prête, que mon cab est venu en retard. » Il y a toujours moyen de s'arranger. Vous êtes gentille. » Mais Swann se disait que, s'il montrait à Odette, en consentant seulement à la retrouver après dîner, qu'il y avait des plaisirs qu'il préférait à celui d'être avec elle, le goût qu'elle ressentait pour lui ne connaîtrait pas de longtemps la satiété. Et d'autre part, préférant infiniment à celle d'Odette la beauté d'une petite ouvrière fraîche et bouffie comme une rose et dont il était épris, il aimait mieux passer le commencement de la soirée avec elle, étant sûr de voir Odette ensuite. C'est pour les mêmes raisons qu'il n'acceptait jamais qu'Odette vînt le chercher pour aller chez les Verdurin. La petite ouvrière l'attendait près de chez lui, à un coin de rue que son cocher Rémy connaissait. Elle montait à côté de Swann et restait dans ses bras jusqu'au moment où la voiture l'arrêtait devant chez les Verdurin. À son entrée, tandis que Madame Verdurin, montrant des roses qu'il avait envoyées le matin, lui disait « Je vous gronde » et lui indiquait une place à côté d'Odette, le pianiste jouait, pour eux deux, la petite phrase de Vinteuil qui était comme l'air national de leur amour. Il commençait par la tenue des trémolos de violon que, pendant quelques mesures, on entend seul, occupant tout le premier plan, puis tout d'un coup il semblait s'écarter. Et comme dans ces tableaux de Peter de Hoek qu'approfondit le cadre étroit d'une porte entr'ouverte, tout au loin, d'une couleur autre, dans le velouté d'une lumière interposée, la petite phrase apparaissait, dansante, pastorale, intercalé, épisodique, appartenant à un autre monde. Elle passait à plis simples et immortels, distribuant çà et là les dons de sa grâce avec le même ineffable sourire. Mais Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement. Elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie. Dans sa grâce légère, elle avait quelque chose d'accompli, comme le détachement qui succède au regret. Mais peu lui importait. Il la considérait moins en elle-même, en ce qu'elle pouvait exprimer pour un musicien qui ignorait l'existence et de lui et d'Odette quand il l'avait composée, et pour tous ceux qui l'entendraient dans des siècles, que comme un gage, un souvenir de son amour qui, même pour les Verdurin, pour le petit pianiste, faisait penser à Odette en même temps qu'à lui. Les unissait. C'était au point que, comme Odette, par caprice, l'en avait prié, il avait renoncé à son projet de se faire jouer par un artiste la sonate entière, dont il continua à ne connaître que ce passage. « Qu'avez-vous besoin du reste ?» lui avait-elle dit. « C'est ça notre morceau. » Et même, souffrant de songer au moment où elle passait si proche et pourtant à l'infini, que, tandis qu'elle s'adressait à eux, elle ne les connaissait pas, il regrettait presque qu'elle eût une signification, une beauté intrinsèque et fixe, étrangère à eux, comme en des bijoux donnés, ou même en des lettres écrites par une femme aimée, nous en voulons à l'eau de la gemme et aux mots du langage, de ne pas être fait uniquement de l'essence d'une liaison passagère et d'un être particulier.